Sainte Bible selon saint Jérôme, premier livre des Rois, chapitre 21. Or après ces événements, en ce même temps, Naboth le Jézraélite avait une vigne qui était dans Jézraël, près du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab parla à Naboth, disant « Donne-moi ta vigne, afin que je me fasse un jardin potager, parce qu'elle est voisine, et je te donnerai en sa place une vigne meilleure, ou si tu juges plus commode pour toi, le prix en argent, selon ce qu'elle vaut. » Naboth lui répondit, « Que le Seigneur me soit propice pour que je ne vous donne point l'héritage de mes pères. » Akab vint donc en sa maison indigné et frémissant à cause de la parole que lui avait répondu Naboth le Jézraélite, disant, « Je ne vous donnerai point l'héritage de mes pères. » Et se jetant sur son lit, il tourna sa face vers la muraille et ne mangea point du pain. Mais Jézabel, sa femme, entra auprès de lui. Elle lui dit, « Qu'est-ce que cela? Pourquoi votre âme est-elle contristée et pourquoi ne mangez-vous point du pain ?» Il lui répondit, « J'ai parlé à Naboth le Jézraélite. » Et je lui ai dit, « Donne-moi ta vigne, en acceptant de l'argent, ou si cela te plaît, je te donnerai une vigne meilleure en sa place. » Et lui me répondit, « Je ne vous donnerai point ma vigne. » Jézabel, sa femme, lui dit donc, « Vous avez une grande autorité, et vous gouvernez bien le royaume d'Israël. Levez-vous et mangez du pain, et ayez l'esprit calme. C'est moi qui vous donnerai la vigne de Naboth le Jézraélite. » C'est pourquoi elle écrivit des lettres au nom d'Akab et les scella de l'anneau du roi. Et elle les envoya aux anciens et aux grands qui étaient dans la ville de Naboth et habitaient avec lui. Or le sens de ces lettres était celui-ci. Publiez un jeûne et faites asseoir Naboth entre les premiers du peuple. Et subornez contre lui deux hommes, fils de Bélial, et qu'ils disent ce faux témoignage. Il a blasphémé Dieu et le roi. Ensuite, menez-le hors de la ville, lapidez-le, et qu'ainsi il meure. Ses concitoyens donc, les anciens et les grands qui habitaient avec lui dans la ville, firent comme leur avait ordonné Jézabel, et comme il était écrit dans la lettre qu'elle leur avait envoyée. Ils publièrent un jeûne, et firent asseoir Naboth entre les premiers du peuple. Et deux hommes, fils du diable, ayant été amenés, ils les firent asseoir en face de lui. Mais ceux-ci, comme hommes diaboliques, rendirent contre lui ce témoignage devant la multitude. Naboth a blasphémé Dieu et le roi. C'est pourquoi on l'amena hors de la ville et on le lapida. Et ils envoyèrent à Jézabel, disant, « Naboth a été lapidé et il est mort. » Or il arriva que lorsque Jézabel eut appris que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, « Levez-vous et prenez possession de la vigne de Naboth le Jézraélite, qui n'a pas voulu se rendre à votre désir, ni vous la donner en acceptant de l'argent. Car Naboth ne vit plus, mais il est mort. » Lorsque Akab eut appris cela, c'est-à-dire que Naboth était mort, il se leva, et il descendait dans la vigne de Naboth le Jézraélite pour en prendre possession. La parole du Seigneur fut donc adressée à Élie le Thesbite, disant « Lève-toi, et descends à la rencontre d'Akab, roi d'Israël, qui est dans Samarie, car voilà qu'il descend dans la vigne de Naboth pour en prendre possession. Et tu lui diras, disant « Voici ce que dit le Seigneur. Tu as tué, et de plus tu as pris possession. » Et après cela tu ajouteras, « Voici ce que dit le Seigneur. En ce même lieu dans lequel les chiens ont léché le sang de Naboth, ils lécheront aussi ton sang. » Et Akab dit à Élie, « Est-ce que tu m'as trouvé ton ennemi ?» Élie lui répondit, « Je vous ai trouvé tel, parce que vous vous êtes vendu pour faire le mal en la présence du Seigneur. Voilà que j'amènerai des maux sur toi. Je moissonnerai ta postérité, et je tuerai d'Akab celui qui urine contre une muraille, celui qui est renfermé, et celui qui est le dernier dans Israël. Et je rendrai ta maison comme la maison de Jéroboam, fils de Nabat, et comme la maison de Baasa, fils d'Ahia, parce que tu as agi de manière à provoquer mon courroux, et que tu as fait pécher Israël. » Mais le Seigneur a parlé aussi de Jézabel, disons, « Les chiens mangeront Jézabel dans la campagne de Jézraël. » Si Achab meurt dans la ville, les chiens mangeront sa chair, et s'il meurt dans la campagne, les oiseaux du ciel le mangeront. Ainsi, il n'y eut point un autre semblable à Achab, qui se vendit pour faire le mal en la présence du Seigneur, car Jézabel sa femme l'excita. Et il devint tellement abominable qu'il suivait les idoles qu'avaient fait les Amoréens, que le Seigneur extermina à la face des enfants d'Israël. C'est pourquoi, lorsqu'Achab eut entendu ces paroles, il déchira ses vêtements, couvrit sa chair d'un cilice, jeûna, et dormit avec le sac, et marcha la tête baissée. Et la parole du Seigneur fut adressée à Élie le Thesbite, disant: N'as-tu pas vu Achab humilié devant moi? Puisse donc qu'il s'est humilié à cause de moi, je n'amènerai pas le malheur en ses jours, mais pendant les jours de son fils, je porterai le malheur dans sa maison. De la Sainte Bible selon la Vulgate, traduite en français avec des notes par l'abbé Glaire, pour le site jésusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.